dans le ton love came here. Quoi? Elle aime la cam? Non. Non. Là, ça. Non. L'homme est... L'amour. L'homme. Oui aussi. L'homme l'amour est venu. Est venu. Là, ça. Avec un H. Et nous, nous allons jusqu'à l'homme qui est sur la place du Montre Jazz Festival. Oui, sur cette là. Scène du Media Stage qui est là à faire chauffer l'ambiance comme tous les jours. Salut. L'ambiance, on n'est pas des sauvages non plus. On se... Ah, ah bon. Non, on se tient. Non, non, ah c'est bon. Relativement calme. Bonjour les amis. Salut, salut Yann. Ça va? Ouais. Ouais, merveilleusement bien. Non mais attends, ça va? Oui, oui, mais attends, on est en, ouais, on est en plein trip. On est en plein trip. On parle de LSD depuis tout à l'heure, donc tu vois, on est dans un. Ça s'entend dans... pas du tout. Non. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Ta voix normale. Excusez-moi, jeune homme, nous sommes en direct à l'antenne. Je suis obligé de c'est la sécurité. Mon chemin jusqu'à l'invité de ce soir. On est en direct du Media Stage ici à Montreux avec un garçon qui s'appelle Guy Borato. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est, je crois que ça va être à peu près le seul mot de français qu'il va dire. This is the only French you can speak. Only? I'm asking you. No, no, sorry, but I don't speak French. C'est ça, il parle pas du tout français, il est brésilien. C'est un musicien qu'on va classer plutôt dans la grande, grande famille de l'électronique. Et quand je dis grande famille, c'est justement parce qu'il peut y avoir plein de formes diverses. Voilà, on se dit c'est l'électronique, donc je sais à quoi ça ressemble. Pas forcément. C'est une des choses sur lesquelles je crois il insiste pas mal, Guy Borato, c'est que ce qu'il fait, c'est également marqué par la pop et par le sens de la mélodie. The stuff that you do is related to pop music. This is something you insist on. Yeah, I think so. Especially not speaking only about harmonies and melodies, but the whole the way I structure my songs is very they are all really in the pop way, the typical pop structure. Even most of my tracks are instrumental, but even on the instrumental ones, you can clearly see, hear different parts, like a verse and a pre-chorus and a chorus and then a bridge. And it's very, very a common, typical structure of pop. On ne parle pas forcément de mélodie et d'harmonie quand on parle de pop au sens de Guy Borato. On parle également de structure des chansons. C'est-à-dire que même si la plupart de ces morceaux sont instrumentaux, quand on prend un petit peu de recul, on regarde la structure des chansons, on se dit tiens, là il y a un couplet, là il y a un refrain, là il y a un pont. Là, voilà, ce sont les structures qu'on retrouve habituellement dans la pop musique, même si à la première écoute, c'est pas forcément quelque chose qui saute à l'oreille. Guy Borato, c'est quelqu'un qui fait de la musique d'abord, qui a fait de la production pour d'autres personnes, puis qui s'est dit ben, je peux peut-être faire des choses pour moi-même. Mais avant ça, avant de faire de la musique, c'est quelqu'un qui a fait de l'architecture. Ça fait partie des choses que des informations que j'ai eues. Je vais savoir ce qui. D'abord vérifier que c'est vrai. It's true that you were an architect before. Yes. Actually, music and architecture was on my life since I was really young. I decided first. To follow the architecture, I did the university after graduating. I was more involved on music for when I graduated. I was into music for more than 10 years that time, and I decided to follow music, which is really my first passion. But I think music and architecture is pretty much the same thing. In a way, I know it's not a coincidence, but most of my friends that did the architecture course with me, they are really involved in music in some way, or they play some instruments or something like that. I think it's quite pretty much the same area. But you never know what's the link between. It looks like you don't know what's the link between architecture and music exactly. Yeah, I know. They treat art the same way. It's just a different way to express them, but it's they treat spaces and you know fools and empties and shapes exactly. L'architecture, bon, et la musique, ce sont deux choses qui ont marqué sa vie et de façon à peu près équivalente jusqu'au moment où il se décide à, il a suivi des études, donc c'est parti de façon assez sérieuse, jusqu'à ce qu'il se décide plutôt en faveur de la musique. Et évidemment, alors la question, il a anticipé sur la question que j'aurais pu lui poser, le lien entre l'architecture et la musique, ben, il est flagrant pour lui, il est évident. C'est une question de... On parle un petit peu de la même chose, on en parle de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça traite de forme, de structure, d'espace. Et lui, en tout cas, il voit un lien entre les deux. Par rapport, pour revenir, et ce sera la dernière question, pour revenir au côté pop de Guy Borato dans sa façon de penser les choses, est-ce qu'il a jamais pensé à avoir un groupe, c'est-à-dire à partir sur justement une structure un petit peu plus pop? You never thought of... about having a band of your own, like a traditional way, and make pop music in a traditional way? Yeah, well, actually I did. I had so many bands when I was young, and actually my main instrument is piano and guitar. Then I started to go more into the programming things, but I have an idea to set up a new project, like a regular rock band. Maybe with some electronic program, especially the drums, maybe will be more electronic, but I really miss to play guitar, actually. Let's see. If I just need some time to do that, stop touring, stop playing all over the world, but I'll do that maybe the end of this year, maybe next year. Let's see. Someday for sure. C'est déjà arrivé, il a déjà eu plein de groupes Guy Borato, et ça fait partie des choses qu'il aurait envie de refaire très prochainement. Alors ça dépendra des circonstances, à partir du moment où elles se présenteront, ça se fera peut-être à ce moment-là. Il n'y a pas encore de calendrier fixé pour ça. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui joue également du piano et de la guitare, et ça fait partie des choses qui lui manquent. Il a envie de revenir effectivement au fait de jouer d'un instrument au sens traditionnel du terme. En attendant, on est en électronique. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui s'intéressent aux machines, je vois devant moi un Monome et un Lemu. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ces interfaces un petit peu bizarres, ces façons un petit peu pas très orthodoxes de commander la musique électronique. Donc rien que pour ça, c'est un garçon, je pense, qui a un regard assez intéressant sur la chose. De la musique électronique, c'est ce qu'on va entendre, avec une structure très très pop. C'est ce qu'il nous expliquait Guy Borato ici au Media Stage à Montreux, en attendant de le retrouver au MDH Club un petit peu plus tard dans la soirée. On t'écoute, c'est en direct sur Couleur 3. Vous écoutez Couleur 3, il s'appelle Guy Borato, il est brésilien, vous n'étiez pas là tout à l'heure, je vous fais un résumé, c'est un garçon qui a fait des études d'architecture, qui considère que la musique et l'architecture finalement ça se rejoint dans la façon d'appréhender l'espace, les formes et l'expression artistique. Il est en ce moment au Media Stage de Montreux, ici au centre des congrès, dans le cadre du Montreux Jazz Festival. C'est juste un avant-goût ce showcase sur Couleur 3, c'est un avant-goût du set qu'il proposera tout à l'heure au MDH Club à partir de, c'est pas pour les couches tôt, c'est à 2h15 qu'il sera derrière ces machines. Et c'est un garçon extrêmement intéressant, je trouve, c'est mon avis. Pierrick, Émilie. Présent. Mais oui, on est là. Présent. Oui, on écoute religieusement Guy Borato, donc on s'attendait pas à ce que tu... Mais c'est oui. très intéressant. C'est le mot que je cherchais, intéressant.